الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في دراسة مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وما زلنا في دراسة المقدمة في هذا الكتاب، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهم هذا الكتاب وأن يجعلنا من العاملين. Donc les frères, on va continuer inshallah. On va reprendre bihawlillah jalla wa ala où on s'est arrêté la fois dernière, et on était toujours sur l'explication de la présentation de cette muqaddima ou de cette risala plutôt. Et on s'est arrêté hier lorsque Shir nous expliquait la méthodologie dans At-Ta'lim, et surtout lorsque on enseigne aux plus petits la méthodologie d'enseignement, et aussi il allait expliquer la méthodologie d'enseignement pour les al-mubtadi'in, pour les débutants. Et c'est pour cela que hier on s'est arrêté lorsque Shir a conseillé que l'enseignant ou le da'i, celui qui enseigne, qui prêche ou qui conseille, ça doit être une personne qui éloigne et écarte les autres des divergences, des discordes, de al-khilaf. C'est pour ça qu'il dit que les enseignants doivent être attentifs et accorder un certain soin en particulier envers les jeunes, envers al-shabab, et les éloigner de toute forme de discorde inutile qui ne serait pas profitable, et justement de les éloigner de cela, de toutes ces disputes qui ne sont pas bénéfiques, et de les préserver de ces divergences-là, de ces divergences-là. Et il dit, malheureusement, ce n'est pas le cas, on s'est arrêté hier sur ça, donc, ce n'est pas le cas de beaucoup de shabab, de beaucoup de jeunes, qui dit que lorsqu'ils commencent les études, alors justement, ils tombent dans ces formes de divergences et des questions qui ne leur sont pas utiles, et de ce fait, ils perdent leur temps. Et toutes leurs préoccupations, c'est sur des questions inutiles, en demandant sur un tel et un tel, en parlant sur un tel, en cherchant dans la vie d'un tel, etc. Et on voit que même certains shabab ont même été éduqués de cette manière. Et de ce fait, alors, lorsque le jeune va être éduqué de cette manière, alors il va perdre son temps et il ne va pas profiter de la science bénéfique. C'est pour cela que Cheikh ici fait un rappel. Fait un rappel. Donc c'est ces mots, hein. Lorsqu'il dit فَيُبْعِدُونَ عَنْهُمْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي شَغَلَتْهُمْ أَكْثَرِ الشَّبَابَ الْيَوْمِ. Il dit donc, l'enseignant doit écarter, éloigner les jeunes de ces choses-là, ces sujets à division, si vous voulez, éloigner tout cela des jeunes. Et regardez comment est-ce qu'il le dit, التي شغلت أكثر الشباب اليوم. Ces choses qui ont occupé la majorité des jeunes aujourd'hui. Donc ça, c'est comme si c'est son constat. C'est le constat de Cheikh Hafidhallah, Cheikh Al-Fawzan. C'est ce qu'il constate. Et alors il dit, « Mada taqul fi fulan ?» Ils disent, « Qu'est-ce que vous dites sur un tel ? Qu'est-ce que tu penses d'un tel ?»« Hal anta min talabid fulan ?» Est-ce qu'un tel, c'est l'élève d'un tel ? Etc. etc. فيبعدهم عن هذه المشاحنات والفتن والاختلافات. Et dit donc, le bon conseiller, il doit éloigner الشباب, ces jeunes-là, ces étudiants-là, de toutes ces fausses discordes et ces fausses polémiques. ويلزمهم طريقا واحدا وهو طريق أهل العلم. Et il doit les orienter vers une seule voie, qui est la voie des gens de science, la voix des gens de science. Après, je pense que vous faites bien la distinction, la nuance ici. Cheikh n'est pas en train de nier le fait de faire attention de qui on prend notre religion, n'est pas en train de nier ce fait-là, que parfois justement la mise en garde est nécessaire, et justement on doit se renseigner de qui on prend notre religion. Mais vous avez bien compris ici que Shir ici parle de ceux qui exagèrent, qui sont dans l'excès. Et c'est le cas d'une grande majorité en France, malheureusement. Une partie minime sont vraiment des étudiants. Il y a vraiment des frères, machallah, qui sont vraiment des étudiants lorsqu'ils voyagent à la rencontre des savants pour apprendre la science bénéfique, sont vraiment des étudiants. Et certains, ce sont des bavardeurs, des gens qui veulent de la polémique. Et ça, ils l'ont appris ici. Donc ensuite, ils transportent ces choses-là avec eux et voyagent avec ces choses-là dans ces pays, auprès des mashayikhs, au lieu de profiter de la science des mashayikhs. Vous voyez que ces étudiants sont dans des disputes les uns contre les autres. Et c'est pour cela qu'on a trouvé que Bar de Shabab, certains jeunes, eh ben, ils ont perdu des années comme ça. Des années. Et les frères, parfois, qui les attendent, en pensant que ces frères-là vont venir et vont leur être profitables, et profiter aux autres, et machallah, ils vont pouvoir prodiguer de bons conseils, et enseigner, etc. Vous rendez compte que lorsque beaucoup reviennent, ils sont faits à l'air. Il n'y a rien. À part, bien sûr, la connaissance sur la vie des autres. Un tel, etc. Al-riba wa namima mawjoud. Ça, certains sont spécialistes de la calomnie, de la diffamation, et de parler sur les autres. Ça, c'est une spécialité. Ça, ils sont spécialistes. Donc là, vous inquiétez pas. Ils vont revenir et vous apprendre les règles de al-riba wa namima. Malgré que eux, ils vont se le permettre. Al-riba wa namima. Et on voit que sa majorité de ces jeunes n'arrive même pas à faire la distinction entre le riba ou le namima ou le kalam, yani al-jarh ou al-ta'dil alladhi yakun min khifali ahli al-ilm ou min shu'uni ahli al-ilm ou min wazifati ahli al-ilm al-mutamakkinina fi hada al-fahn. Fi hada al-fahn. Et ils ne savent pas faire la différence lorsque vraiment parler, hein, de la science de la critique et de l'éloge, ça c'est la spécialité des savants, des grands étudiants en science, et ceux qui sont habilités à parler dans le domaine. Ils ne font pas la différence lorsque c'est vraiment une parole qui rentre dans le domaine de la critique et de l'éloge, et le riba ou le namima. Et c'est pour cela qu'il faut, bien s'éduquer. Il ne faut pas prendre ce qu'on veut dans la religion. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez une partie du livre et vous délaissez une autre partie du livre? Alors on prend ce que l'on veut de la religion et on délaisse une autre partie de la religion. N'a-t-on pas appris, à travers les récits du prophète, alayhi salatu wa salam, que l'honneur du musulman et de la musulmane est sacré? N'a-t-on pas appris que al-riba wa namima, ça fait partie des péchés capitaux? Ou al-riba, c'est quoi? Lorsque le prophète un jour s'est adressé aux compagnons, il leur a dit « Atadrouna mal riba ?»« Qalou, Allahu wa rasuluhu a'lam » قال ذكرك أخاك بما يكره. هذا هو الغيبة. Est-ce que vous savez, le prophète s'adressa à ses compagnons en disant, est-ce que vous savez qu'est-ce que l'ghiba, la médisance? Alors, les compagnons disent, Allah et son messager sont plus connaisseurs. Alors le prophète s'en dit, c'est évoquer ton frère d'une chose, ou avec une chose, qu'il n'aimerait pas entendre. Tu évoques ton frère en son absence, et tu l'évoques d'une chose que lui détesterait entendre à son insu. Hada huwa al-ghiba. Wa an-namima, là c'est la diffamation, que tu propages ces choses avec un but de créer la discorde et la dissension entre deux personnes ou entre deux tierces personnes. Hada an-namima. Qalu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, يا رسول الله أفرأيت إن قلت ما إذا قلت في أخي ما إذا كان حقا يعني الذي أقول في أخي أفرأيت إذا كان حقا إذا كان فيه ما أقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه ما تقول فقد اختبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit, lorsqu'un compagnon a dit, mais ô messager d'Allah, si ce que je dis à son sujet c'est vrai, si je rapporte quelque chose de mon frère qui est vrai, le prophète Ansem lui a dit, bah si c'est vrai tu as fait le riba, la médisance, et si c'est faux tu as fait ce qu'on appelle le bohtan. Pour le traduire en français, c'est vraiment un mensonge effronté, un mensonge vraiment, la personne a l'audace dans le mensonge. Vous avez vu, on a appris de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'honneur du croyant, de la croyante est sacré. On ne peut pas toucher l'honneur d'un croyant, de porter atteinte à l'intégrité, à l'honnêteté de croyant et de croyante. Ce n'est pas comme ça. Quel est le cas lorsqu'ensuite on touche l'intégrité d'étudiants en science, de mashaykh, de savants, etc. Eh bien, Cheikh Al-Fawzan, il parle d'un constat ici, c'est un constat que beaucoup de jeunes, malheureusement, lorsqu'ils partent étudier, ou lorsqu'ils restent aussi dans leur pays où qu'ils sont, ils sont préoccupés par ces choses-là. Un tel, un tel, un tel. Alors, parfois, ils passent des heures dans des forums ou autres, dans les réseaux sociaux, à polémiquer sur un tel, etc., etc. Et parfois, ensuite, ça devient une sorte de bataille. Ouais, kada. Est-ce qu'ils ont profité? La chaye. Madafaralou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps. Alors ensuite, ça termine sur des insultes. Ensuite, parfois, il y a des frères, ensuite, qui ne se causent et qui ne se parlent plus. Ensuite, ils se font al-hajr. Un tel met en quarantaine un tel, parce que toi, tu parles avec un tel, parce que tu parles avec telle personne, donc telle personne met en quarantaine telle personne, etc. Et tout cela, ça a été, tout cela a été fomenté par Iblis. Qu'est-ce qui les a poussés à cela? C'est Iblis. Alors il y en a qui sont des corrupteurs, des semeurs de désordre. Vous savez, certains savants, comment ils les appellent, les kibar en arabie, c'est les perturbateurs. Vous savez comment ils les appellent en arabie? Ils les appellent qutta' al-turuq, des brigands. Vous savez, les gens, lorsqu'à l'époque ils voyageaient en caravane, à l'époque, il y avait des gens, des brigands, qui arrêtaient les caravanes. Et ensuite, ils les attaquaient et pillaient les caravanes. En arabe, on les appelle qutta' al-turuq. Ceux qui coupent, si vous voulez, sens littéral, hein, ceux qui coupent et barrent le chemin. Et ensuite, ils pillaient ces caravanes. Pour cela, on les appelait les brigands. Ils disent, ah ou là, ce sont comme des brigands. Alors qu'il y a des gens qui construisent, des gens qui appellent, mashallah, des gens et les autres à la sunna du prophète, alayhi salat wa salam, il y en a qui viennent et qui barrent la route de ces gens qui appellent au bien. Ces gens qui appellent au bien. Et c'est pour cela que Shir ici, je ne vais pas trop détailler la question, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, on a beaucoup de travail là pour avancer dans l'étude du livre, mais c'est un sujet, on pourrait en parler longuement. Longuement. C'est pour ça là, il faut s'éduquer. Il faut savoir quand est-ce il faut parler. Il faut savoir quand garder le silence. Il faut savoir apprendre la science bénéfique. La personne qui apprend la science en talib al-ilm, mais le musulman d'une manière générale, ça doit être une personne qui a un bon comportement. Donc il doit, ici, pour pouvoir être un beau modèle dans sa demeure et dans son foyer, parce que tout le monde veut des enfants bien éduqués, tout le monde veut être marié avec une épouse gentille, bien éduquée, mashallah, qui le respecte, mais il faut donner le bon exemple. Alors si l'épouse voit que son mari, l'homme de la maison, eh ben c'est quelqu'un qui passe ses heures dans la critique, dans le riba, ou un namima, chercher dans la vie des autres. Vous savez, même ils parlent des femmes, des épouses des autres. Ils en sont arrivés même là. À parler des épouses des autres, etc. Si l'épouse, la femme, voit son mari perdre son temps dans les forums, etc., al-qil, ou al-qal, etc., et cette personne, quand est-ce qu'il ouvre Kitab Allah ? Quand est-ce qu'il ouvre le livre d'Allah ? Combien de versets il a lu dans la journée ? Combien de hadiths il a lu dans la journée ? Wallah, il y a des frères qui nous font perdre notre temps. Ils nous appellent, nous posent des questions sur un tel, sur Foulen, sur Allan. La personne, on la connaît même pas. La personne, parfois, n'est même pas en France. La personne n'a même pas des cours qui sont diffusés. Comment vous me faites perdre notre temps avec ces futilités? On a l'ulama, l'ilhamd. Il y a des choses qui sont de l'habilité, de la compétence et du domaine de nos savants. Il y a les savants appelés l'ulama. Alors c'est pour ça, si on veut être un beau modèle déjà dans son foyer, si nos proches, et si les proches d'une personne, eh ben voient par exemple une personne qui est dans la lecture du Coran, une personne qui est dans la dévotion, dans l'adoration de son Seigneur, qui est un bon exemple, une personne qui sait garder le silence quand il faut le garder, etc. Les gens de sa demeure vont être influencés par ce bon comportement. Mais ce bon comportement, il faut l'apprendre. Et c'est ça la mise en application. C'est pour cela, le tout, ce n'est pas seulement d'apprendre. Mais le plus difficile, c'est de mettre en application cette science-là. Comme on a dit précédemment, on sait tous que le riba, c'est haram. Que le namima, c'est haram. Il y a des gens qui se font châtier dans leur tombe à cause de namima. Kana yamshi bin namima. Hada, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Hada kana yamshi bin namima. Ça fait partie des péchés capitaux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit An-namam, le diffamateur, le calomniateur, celui qui marche avec la diffamation, bin namima, la yatrulul jannah. Il ne rentre pas au paradis. Vous avez vu dans le hadith, lorsqu'ils sont venus au prophète, ils ont dit Inna fulana kana tusalli fil layl wa tasumun nahar, walakin tu'zi jiranaha bilisaniha. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. Certes, telle personne, telle femme, elle prie la nuit, elle jeûne la journée, mais elle porte préjudice à ses voisins avec la langue. Alors le prophète sallam a dit, il n'y a point de bien en elle, elle est en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Lorsque le prophète sallam avait fait le voyage de l'ascension, et il a vu des gens qui étaient dotés d'ongles de cuivre, comme il est dit dans le récit, ils avaient des ongles de cuivre, et le prophète sallam a vu ces gens qui se déchiraient leur visage et leur poitrine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit cela, il était avec Jibril alayhi salam, l'ange Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man haoula? Qui sont-ils ces gens? Et Jibril de lui dire, haoula illadina yaqa'una fi a'radin nas. Oh, haoula illadina yaqa'una le humman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Il dit, cela, ce sont les gens qui mangeaient la chair des autres et qui touchaient l'honneur des autres. Portaient atteinte à l'honneur des autres. Hadith al-hadith, ces récits-là, pour la majorité d'entre nous, on les connaît, on les a déjà entendus. Mais ce qu'il nous faut, c'est la mise en application. Wa huwa al-mu'min al-muslim al-salih. Al-salih. Quand est-ce que on est dans un domaine où il est légiféré ou il est bon qu'il y ait une mise en garde naram. Quand est-ce qu'on est dans un domaine où il faut garder le silence, il faut préserver l'honneur des autres, il faut préserver l'intégrité des autres, des membres de la communauté, ça aussi c'est des questions qu'il faut prendre en considération. Les grands savants de la critique et de l'éloge, ils ne s'appellent pas seulement ulama jarh, mais c'est aimmat jarh et de quoi? Wat ta'dil. C'est les savants de la critique et de l'éloge. Il n'y a pas que la critique. Malheureusement, beaucoup pensent qu'il n'y a que la critique et que la critique prévaut tout le temps. C'est faux. Parfois, c'est l'éloge qui prévaut sur la critique et parfois l'inverse. Donc, les savants, ce sont des imams de la critique et de l'éloge. Donc, il y a l'aspect de l'éloge aussi. Et ça, il faut le prendre en considération. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ce que dit Cheikh Al-Fawzan, par rapport à son constat, que le but, regardez ce qu'il dit, c'est de faire parvenir ce bien qu'il parvienne au cœur des croyants. Regardez comment, qu'est-ce que dit Cheikh. Il dit « وَاَكَدَا يَجِبَنْ يَكُنَ الْمُعَلِّمْ الدَّعِيَ إِلَى اللَّهِ » Et comme cela se doit être l'enseignant, le prêcheur vers Allah, يَكُنُ قَصْدُ إِصَالِ الْخَيْرِ إِلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. Son but, c'est de faire parvenir le bien vers le cœur des croyants. هَذَا هُوَ الْقَصْدُ. C'est ça, le but. وَأَبْنَا الْمُسْلِمِينَ. Et il dit aussi, envers les enfants des musulmans. Et ne pas les préoccuper, les occuper avec les divergences. مِمَّا هُوَ مُنْتَشِرَ الْيَوْمْ فِي شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ. Regardez, il dit, ce qui est propagé chez beaucoup de jeunes musulmans. فَيَجِبُ الْاِهْتِمَامْ بِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc il faut prendre soin des jeunes et de bien les éduquer. C'est pour ça que regardez, parmi les choses qu'a dit Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il a parlé de justement la méthodologie, il dit, regardez par exemple, dans juste avant la parole qu'on vient de lire de lui, il dit... L'auteur du livre, Ibn Abizel, lorsqu'il a présenté Risala, lorsqu'il la présente, il dit au Shir justement qu'il a facilité la compréhension de cette Risala. C'est-à-dire qu'il l'a fait, elle est brève et concise, elle est abrégée, pour faciliter la compréhension. C'est ce qu'on appelle Hada Murtasar. C'est une sorte d'abrégé, hein, et qui est sahl. Pourquoi? Parce que Shir va nous expliquer. L'auteur n'a pas voulu compliquer les choses pour l'étudiant, n'a pas voulu compliquer la tâche, n'a pas compliqué la chose. Laysa fihi ta'qib yasub 'ala as-sighar wa tullab al-'ilm. Fahm. Il n'a pas fait rédiger cette risala pour qu'elle soit compliquée, surtout qu'elle devait être enseignée à des enfants. Donc le but c'était qu'elle soit simplifiée, abrégée et wadihan, qu'elle soit claire. وَهَكَدَا. Et regardez ce que va nous dire Shir. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Que la méthodologie des gens de science qui nous ont précédés, hein, eh ben, c'était celle-ci. De simplifier l'ilm. Simplifier la science. Et ne pas compliquer les choses. Il dit تَجِدْ مُؤَلَّفَاتِهِمْ سَهْلًا. Shir là, c'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. فَالْعِلْمُ يَجِبْ أَنْ يَسْهُ الْبَيَانُ وَيُعْقَدُ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ مَهْمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ. Et il dit, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que cette science-là soit simplifiée et qu'il soit aisé à l'étudiant de l'apprendre. Là, on comprend bien que donc la méthodologie des anciens, c'était pas de compliquer les choses, mais de simplifier ce savoir. Et donc, pour cela, lorsque l'auteur Ibn Abi Zayd explique et présente son travail, il explique cela à son enseignant. بِأَنَّهُ أَجَابَ طَلَبَ فِي تَأْلِيفِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَمُقَدِّمَتِهَا فَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُؤَلَّفْ هَذَا الْمُخْتَصَرَ لِيُلَقِّنَهُ لِلْوِلْدَانِ الصِّغَارَ الَّذِينَ يُدَرِّسُهُمْ الْقُرْآنَ فَيَكُونُ تَعْلِيمُهُمْ شَامِلًا لِلْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ طُرُقِ التَّعْلِيمِ وَأَنْ تُرَاعَى فِيهِ الْمَدَارِكِ بِالتَّدَرُّجِ بِالْمُتَعَلِّمِ مِنْ صِغَارِ الْمَسَائِلِ وَمَبَادِئِ الْعُلُومِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا. Donc ce qu'il dit, c'est pour ça que la méthodologie, pour faciliter l'apprentissage de la science, c'est de commencer avec des livres qui sont brefs, concis, hein, qui sont des abrégés, et de faciliter donc la compréhension pour que l'étudiant puisse progresser d'une manière, c'est-à-dire apprendre d'une manière progressive. Progressive, et donc lui enseigner d'abord ce qu'on appelle el-usul ou el-mabadi. D'abord lui enseigner les fondements, les principes de base, et ne pas aller au-delà au départ. Enfin, طيب. Alors, c'est pour cela qu'il dit que l'enseignement, aussi il va expliquer, depuis le temps de l'âge, c'est quelque chose d'important, et on voit bien que c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que d'ici, on attend qu'ils grandissent. Alors qu'ils grandissent, pourquoi? Parfois, c'est trop tard. Parfois, c'est trop tard. Par contre, lorsqu'on commence à apprendre la science, lorsqu'on est jeune, donc on a dit parfois c'est trop tard, c'est pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut apprendre à tous les âges. Comme on a dit, les études, l'apprentissage, c'est du berceau jusqu'au tombeau. Les savants n'ont pas de retraite. Il n'y a pas de retraite arrivée à un moment donné. Ils arrêtent d'étudier, ils arrêtent de lire, ils arrêtent l'apprentissage. Ils n'ont pas de retraite. On les voit, c'est jusqu'à le tombeau qu'ils apprennent. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais lorsqu'une personne commence jeune, c'est lui est bénéfique et plus aisé pour lui pour qu'il garde cette science, pour qu'elle soit bien ancrée. Et il dit, pour comment on constate et on déduit que c'est la sunna du prophète? Si vous regardez comment le prophète, par exemple, était soucieux des jeunes, on a le hadith lorsqu'un jour le prophète s'en est pris un compagnon, Abdallah ibn Abbas, lorsqu'il était jeune, et le prophète s'en est dit, Ya Roulam, inni u'allimuka kalimat. Ya Roulam. Oh garçon, Abdallah ibn Abbas était petit, était jeune, et le prophète lui dit, Hier Roulem, si on peut traduire de la sorte, oh garçon, inni u'allimuka kalimat, je vais t'enseigner des paroles. Ihfazillah yahfazak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث المعروف. C'est un hadith qui est très célèbre. Lorsque le prophète en sallam dit à Abdallah ibn Abbas, alors que c'était un jeune garçon, il dit, Ô Roulam, je vais t'enseigner des paroles. Il lui dit, préserve. Je vous le traduis l'explication, pas littéralement. Ihfazillah, ihfazak. Préserve les limites d'Allah, Allah te préservera, te protégera. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idha sa'alta fas'alillah. Et si tu dois demander, implorer, alors demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et si tu veux implorer l'aide, alors demande cette aide auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté venait à se réunir pour t'accorder profit, alors elle ne pourrait le faire, sauf si c'est une chose qu'Allah a décrétée et prédestinée. Et si toute la communauté se réunissait, si toute la nation se réunissait pour te porter préjudice, alors sache que ils ne pourront le faire, te porter préjudice, seulement si Allah Jalla a prédestiné ou décrété cette chose. Regardez, le prophète sallam a enseigné ces paroles à un roulam qui était Abdallah à l'époque, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhu. Regardez, lorsqu'ensuite, dans un autre récit, on a le prophète sallam s'est adressé à un jeune garçon, on sait, lui dit, Ya roulam, sammillah, wa kul bi yaminik. Lorsque un compagnon qui était jeune, il mangeait avec le prophète sallam lui a dit, lorsque tu manges, sammillah, wa kul bil yaminik, wa kul mimma yalik. Le prophète lui dit bismillah, et mange avec ta main droite, et mange ce qu'il y a face à toi. Le prophète l'a éduqué, lui a enseigné. C'est-à-dire, regardez, ça c'est des preuves que le prophète accordait un soin particulier envers la jeunesse et les jeunes. Lakin, vous avez vu, et le prophète sallam était doux avec eux, un enseignement clair, simple et qui, justement, était compris de tout le monde. ثم قال الشيخ, parmi les choses qu'a dit aussi dans cette explication, الشيخ حفظه الله, الشيخ الفوزان, donc il dit, la bonne méthodologie, donc, c'est de simplifier cette science. Et donc de leur enseigner, il dit, la sunna. Alors il dit, revenez à la page 20, à la page 20, il a dit des choses qu'il faut expliquer. Il dit, fal mubtadi'un yulaqqawun, ou plutôt yulaqqanun al-wajibat faqat, wa la yu'ta lahum bit-tafli'at wa at-tafsilat. Il dit, et les débutants, on leur enseigne d'abord ce qu'il faut leur enseigner, c'est les obligations, les devoirs. D'abord leur enseigner les obligations. Pas leur enseigner tout de suite tout ce qui est assujetti à des détails, les détails des questions, et approfondir les questions en détail. Mais d'abord leur enseigner les obligations, al-wajibat. Il dit, alors on leur enseigne les choses obligatoires dans leur religion. Et, فَإِذَا مَا تَجَاوَزُوا الْمَرْحَلَةَ أو مَرْحَلَةَ الْبِدَايَةَ فَإِنَّهُ يُتَوَسَّعْ مَاهُمْ فِي التَّعْلِيمِ. Lorsqu'ensuite, cette étape-là, ils l'ont passée, l'étape d'apprendre ce qui leur est important et bénéfique parmi les obligations dans la religion, lorsqu'ensuite ils ont passé cette étape-là, alors ensuite on passe à une autre étape. À une autre étape, il dit, alors, فَإِنَّهُ يُتَوَسَّعْ مَاهُمْ فِي التَّعْلِيمِ. Là maintenant, on approfondit l'enseignement. Vous avez vu, il y a des étapes. Ou les ulama, pour cela qu'ils sont, les ulama, on les appelle al-rabbaniyin, sont des savants éducateurs. Ils savent comment enseigner. Il y a une méthodologie dans l'enseignement. Comment faire parvenir cette science-là. Ils ne vont pas d'abord enseigner aux gens al-khilaf, les divergences dans certaines questions et autres. Ils vont d'abord leur enseigner ce qu'ils ont besoin, parmi les obligations, ce qu'on appelle al-wajibat. Lorsqu'ils passent cette étape, donc ensuite, ils peuvent approfondir l'enseignement jusqu'à ce qu'ensuite, on appellera cela, lorsqu'on approfondit ensuite l'enseignement, ils pourront rentrer dans ce qu'on appelle la spécialité, se spécialiser dans un domaine. Et là, on approfondit l'étude du domaine. Donc ici, nous, Shir, c'est comme s'il nous oriente ici, il oriente les enseignants et les étudiants en sciences, de ne pas, comme on dit avec notre terme à nous, de ne pas brûler les étapes, mais d'avancer progressivement. فَيُبَيَّنْ لَهُمَ الْأَقْوَالُ وَالْأَدِلَّةَ وَالْتَرْجِحَاتِ. Là, à ce moment-là, lorsqu'ils se spécialisent dans un domaine, là, on leur clarifie les preuves, les paroles des savants, les paroles les plus justes, avec les arguments. بَعْدَمَا يَتْخُلُونَ فِي بَابِ الْعِلْمِ وَيَرْسُلُونَ عَلَى الْمَبَادِ. Après qu'ils aient commencé vraiment à rentrer dans l'apprentissage de la science et qu'ils mettrait justement les fondements du savoir. فَيُتَدَرَّجْ مَعْهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا مِنَ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَ. C'est pour cela qu'on avance avec les étudiants doucement, chose après chose, et on débute justement avec les livres qui sont des abrégés, des résumés, qui sont simplifiés. إِلَى الْكُتُبِ الْمُتَوَسِّطَ. Et ensuite, on évolue vers des livres qu'on appelle mutawassita, qui ont un niveau ensuite moyen. Moyen. Il est le kutubi al-mutawwala. Jusqu'à ce qu'on va évoluer vers des livres plus volumineux, hein, des grands livres qui sont vraiment détaillés, qui renferment justement le détail des questions qu'on appelle al-mutawwala. Al-mutawwala. Wa hakada yakun ta'lim al-ilm. Et c'est comme ça l'enseignement, la méthodologie d'enseignement de la science, al-ilm. Il dit, وَالطَّاعَةِ, et les actes d'obéissance se divisent en deux catégories. Les actes d'obéissance se divisent en deux catégories. Ce qu'on nomme wajibat wa mustahabbat. Wajibat wa mustahabbat. Les actes d'obéissance qui sont des obligations et des actes d'obéissance qui sont des actes fortement recommandés. Des recommandations, si vous voulez. Des obligations et des recommandations. Wa as-sunna, il nous explique que la sunna, puisqu'il explique les termes qu'a mentionné l'auteur, L'auteur a mentionné le terme al-wajib, donc il a expliqué, Charles Fawzan. Ensuite, wa mina sunani. C'est le sunan, c'est le pluriel de sunna. Et il dit, as-sunna idha utliqat yuradu biha. Lorsqu'on cite le terme, le mot sunna, on l'emploie, lors de l'emploi du terme sunna, d'une manière idha utliqat, c'est-à-dire lorsque le terme est mentionné d'une manière absolue, hein, d'une manière absolue, le sens c'est shirdi al-aqida. C'est le dogme. C'est-à-dire, il dit, ma thabata an rasul sallam min aqidati wa ibada. Min aqidatin wa ibada. Lorsque, d'une manière absolue, on dit sunna, on cite le terme sunna, un cheikh nous dit son sens c'est quoi? C'est tout ce qui est confirmé du prophète sallam comme croyance et adoration. Apprenez-le par cœur. Sunna, le terme, lorsqu'il est employé d'une manière, on parle idha utliqat as-sunna yuradu biha ma thabat, ce qui a été confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam min aqidatin, comme croyance et ibada et adoration. Wa tutlaq al-aqida, et parfois le terme aqida, maintenant le terme aqida parfois aussi il est cité d'une manière absolue et il est voulu par là. Wa yuqalu as-sunna, par exemple, la sunna. Par exemple, yuqalu li kutubiha kutub as-sunna. Par exemple, il y a le terme aqida qui est cité d'une manière absolue, générale, et certains livres de aqida, en réalité, yuqal li kutubiha kutub as-sunna. Ce sont des livres de sunna. C'est pour ça que certains livres sont appelés et nommés, appelés des livres sunna. Par exemple, kitab as-sunna, le livre de la sunna. Qu'est-ce qui est voulu à travers ce titre? C'est-à-dire, ça sous-entend, c'est l'aqida qui va être enseignée dans le kitab as-sunna. Et donne comme exemple, as-sunna li Abdillah ibn al-Imami Ahmed. Le fils de l'imam Ahmed, qui s'appelait Abdullah, a écrit un livre qui s'appelait kitab as-sunna. Le livre s'appelle as-sunna. Qu'est-ce que est sous-entendu dans cela? Le terme sunna était cité d'une manière absolue ici. C'est la croyance. C'est la croyance qui va être enseignée. Ça sous-entend ici al-aqida, la croyance. Comme par exemple, aussi le livre de la sunna, kitab sunna, li Ibn Abi Asim, il a un livre qui s'appelle le livre de la sunna, et ce qui est sous-entendu ici, ce qui est voulu, c'est al-aqida. Et parfois, ça s'appelle aussi les livres de l'iman. Parfois, les livres sont intitulés iman, et le terme iman ici sous-entend al-aqida. Comme Kitab al-Iman, par exemple, de Ibn Mandah. L'Ibn Mandah, il y a un livre qui s'appelle Kitab al-Iman, du grand imam Ibn Mandah, qui ici est lié à la croyance. À la croyance. Ouais, Kada est comme cela, le Cheikh nous dit. Maintenant, ce qui concerne le sens du terme sunnah, fil-istilah al-muhaddithin, vous avez vu pourquoi je suis revenu, parce que ça c'était des points importants qu'a évoqué Cheikh ici. Lorsqu'on dit sunna, fi istilah al-muhaddithin, quel est le sens? Parce que maintenant, il faut faire la distinction. Là, tout à l'heure, on a dit, Cheikh donne le sens de la sunna lorsque c'est employé d'une manière absolue. Faites la distinction. Lorsqu'on dit employé d'une manière absolue, s'employer d'une manière absolue, on dit as-sunna. Quel est le sens de cela? Ça veut dire ce qui est confirmé du prophète, ça semble comme croyance et adoration. Maintenant, selon la terminologie, la définition des gens du hadith, al-muhaddithin, quel est le sens de la sunna pour eux? Eux, les gens du hadith, vont définir la sunna et lui donner une définition. Donc les savants spécialistes du hadith, du domaine, eux vont avoir une conception de la sunna selon leur définition. Et il dit, eux, ils définissent la sunna comme étant « fahiyama warada » عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. La sunna, ils définissent la sunna, les gens du hadith, les spécialistes, les traditionnistes ou traditionalistes, comme vous voulez, la définissent la sunna de cette manière. C'est ما ورد, tout ce qui est mentionné عن الرسول صلى الله عليه وسلم, du prophète صلى الله عليه وسلم, tout ce qui était mentionné du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté du prophète, ou des choses par lesquelles il était mentionné, min qawlin, que ce soit des paroles, au fi'l, ou des actes, au taqrir, au approbation, au sifa, ou descriptif, description. Tout cela, ça fait partie de la sunna. C'est pour ça qu'on dit ma udifa ila an-nabi sallam, kull ma udifa ila an-nabi sallam, tout ce qui est attribué au prophète sallam, min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa. Tout ce qui est attribué au prophète sallam comme parole, comme geste, acte, approbation ou description, cela fait partie de la sunna inda ahli al-hadith. طيب, c'est pour ça que même dans les muhtasarat, hein, dans les abrégés, lorsqu'on apprend ilm al-hadith, par exemple, il nous enseigne les termes, par exemple, lorsqu'on débute, par exemple. Et c'est pour ça que ce que nous a dit Shir, le fait d'apprendre des abrégés, ça c'est très bien. Dans chaque science, les savants, pour faciliter l'accès à cette science, ils ont rédigé certains des petits livres pour qu'ils puissent être appris par cœur et qui renferment les fondamentaux et les principes de la science, dans chaque matière, dans chaque science. Ils ont fait des manzoumat aussi. Ils ont facilité l'accès, l'apprentissage et la mémorisation en faisant des poèmes, avec des vers de poèmes. Comme par exemple, l'ilm al-hadith, il y a des textes à apprendre, des livres à apprendre. Parmi les textes, on débute par exemple avec al-Bayquniya. Al-Bayquniya. Abda bihamdi musalliyan ala muhammadin khayrin nabiyin ursila wa kullu wahidin ata wa hadda ila akhiri wa kullu wahidin ata wa hadda jusqu'à ce qu'il va mentionner ensuite les conditions du sahih, du hassan, du da'if, etc. Ça, le Baykhouniya. Dedans, il dit « Kullu ma udif ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa wa marfou » On appelle ça marfou. Tout ce qui va être attribué aux compagnons, on appelle ça mawquf. Tout ce qui va être attribué aux tabi'in, on appelle ça maqtou. Et on apprend ces termes-là, il nous enseigne la définition des termes. Là, il va nous dire, regardez, donc selon les gens du hadith, on définit la sunna de cette manière. طيب. Donc il dit السنن بهذا المعنى العام تختلف. L'auteur va mentionner le terme sunna d'une manière générale, il va mentionner le pluriel. Il va mentionner le pluriel Ibn Abi Zayd dans le texte. السنن, السنن. Shir ici nous explique dans la page 21. Pour ceux qui ont le livre, il nous explique donc السنن lorsqu'il est mentionné comme ça. بِهَنَ الْمَعْنَ الْعَامِ dans son sens général, tartalif, le sens des varie. Le sens varie. Il faut bien comprendre. Et ça, c'est important de comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y en a, ils pensent qu'on dit sunna, c'est dans le sens quelque chose qui n'est pas obligatoire. Il dit sunna, il y en a, il est sabi. Ouais, il dit, mais il est sahad al-ma'na. Vous allez bien comprendre. Donc, lorsqu'on emploie sunan d'une manière générale, comme cela, il vient d'un sens général, alors le sens varie. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre ici. Ouais, comme ça, fort de le chier. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد ثم أحمد الله طيب donc on essaie de terminer rapidement inshallah donc ça c'est un sujet important. Et là, Chéri est en train de nous expliquer, regardez la parole de l'auteur, je vous la redis pour que vous puissiez comprendre ce que nous explique le Chéri. C'est lorsque l'auteur, Ibn Abi Zayd, dans la présentation hein, du texte à son Chéri, il lui dit que dedans, justement, il y sera question aussi de traiter des actes de la sunna qui se rattachent à ses obligations à mettre en pratique, que ces actes soient bien confirmés, mu'akkada, ou bien nawafil, surrogatoire ou bien préconisé raraib. Vous avez vu, l'auteur, il parle de manière générale, il cite le terme sunna, qu'il va parler d'abord des wajibet, comme on a dit précédemment, des obligations, de la sunna, et il va dire que cette sunna soit à mettre en pratique, ou bien que ce soit des actes mu'akkada, bien confirmés, ou bien que ce soit des actes ici préconisés. Et là, Chir, c'est ça qu'il va nous expliquer. Il va nous dire donc, le terme sunna, lorsqu'il est comme ici, au pluriel, il est utilisé d'une manière générale, as-sunan bihad al-ma'n al-am tartalif. Donc ici, ça varie le sens. Minha, parmi ces sunan-là, ces sunna-là, parmi elles, il y aura des pratiques obligatoires. Minha, ma huwa wajib. Parmi elles, des pratiques obligatoires. Vous avez vu, le terme sunna, ça ne veut pas seulement dire des pratiques surrogatoires. Non, parfois, on dit hadi sunna. Cette sunna peut être obligatoire. Comme cette sunna, wa minha, ma huwa mustahab. Elle peut être recommandée. Ça peut être une recommandation. Ou bien, il dit, wa minhu ma huwa mu'akkad. Donc, lorsqu'on a le terme sunna, la sunna, ça peut sous-entendre donc une pratique obligatoire. Ça peut sous-entendre une pratique parmi les recommandations, quelque chose de fortement recommandé. Comme elle peut sous-entendre une pratique fortement, comme on dit, mu'akkad, confirmé, fortement confirmé. Chir va nous donner des exemples. Wa minhu ma huwa duna dhalik. Et parmi les actes de la sunna, des choses qui rentrent dans un autre ordre. Et dit mithl al-rawatib allati ma'al fara'id. Par exemple, les prières qu'on fait après les prières obligatoires. Les prières, ce qu'on nomme al-rawatib, qu'on fait après les prières obligatoires. Vous avez vu? Ces prières-là, par exemple, pour certaines versions, les deux rak'at qu'on fait après dhor et avant, ces prières al-rawatib, elles sont mu'akkada, mais on appelle ça sunna. C'est de la sunna. Le statut, c'est quoi? Elles sont mu'akkada, fortement confirmées. Al-witr, par exemple, al-witr, beaucoup de savants disent que c'est une sunna. Mais lorsqu'on dit sunna, ça ne veut pas dire forcément que ce n'est pas obligatoire. C'est juste permis. Là, ça peut être une obligation, ça peut être une recommandation, ça peut être une action fortement recommandée. Et la khiri. Al-Witr, par exemple, ne fait pas partie de Al-Fara'id, mais ça fait partie des actions mu'akkad. C'est Al-Mu'akkada. Elle est mu'akkada, elle est fortement confirmée. Salat Ad-Duha, par exemple. Ad-Duha, par exemple, ce sont des sunan, des prières qui sont liées à un temps. Un temps bien précis. Muqayyada bi awqat mithl dukhul al-masjid. Par exemple, on a aussi la sunna de faire des prières, la prière de deux unités de prière ici de rak'at lorsqu'on rentre dans la mosquée. On dit que c'est une sunna, mais quel est le statut de cette sunna? Ça peut être wajib, ça peut être mu'akkad, fortement confirmé, ça peut être mustahab, fortement recommandé. Donc c'est pas comme beaucoup le disent. Lorsqu'on dit « وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا ويفعل هذا أو يقول هذا » Alors les gens يقولون « هذه سنة » نعم سنة أنت تعمل بالسنة ou تترك السنة. Tu fais la sunna ou tu fais pas la sunna. بعض الناس نقول مثلا تصوية الصفوف aligner les rangs. Vous savez, on est dans une société, tout le monde est pressé. Vous savez, même les gens quittent les villes maintenant. Beaucoup de gens, ils vont vivre en campagne. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de stress. Les gens sont pressés. Il n'y a plus de temps. Les cœurs sont du 6. Maintenant, on n'a même plus le temps de faire Tasuyatou Soufouf. Même à Hadith, de le terminer, on a dépassé de 30 secondes, d'une minute. Il est normal de respecter les temps, mais parfois on dépasse, il faut terminer le Hadith. Parfois on est même pressé, il faut terminer l'ayat. Et les gens maintenant vivent, ils sont pressés. Un hadith du prophète, ils ne veulent même pas écouter la fin du récit. Une science, ils ne veulent pas l'apprendre. T'as su être au soufouf, il n'y a pas le temps. Yallah, il imam, il y a les khumbs salah, khalas. Salli bin nas. T'as su être au soufouf. Beaucoup de savants disent que wajib hada. Et il y a un savant, Cheikh Al-Albani, il est rapporté un jour, il faisait t'as su être au soufouf. Ils ont mis du temps. C'était fil hajj. Allah alam fil hajj. Au pèlerinage, et il faisait tasuyat al-sufuf, il mettait du temps, il alignait bien les rangs, al-kab bil-kab, al-katif bil-katif, tarasu atadilu, et l'akhiri. Il mettait du temps, et ensuite il a dit, vous avez vu tout le temps qu'on a mis pour aligner les rangs, combien de temps on va mettre pour aligner les cœurs? Si on met tout ce temps pour aligner les rangs, c'est juste cheville contre cheville, on est des frères. Tous des musulmans. Il faut prier droit. On est devant Allah, Jalla wa Ala. Lorsque vous allez à la mairie ou dans d'autres endroits des administrations, vous vous tenez bien, bien droit pour le rendez-vous pour un travail. Anta même Allah, là tu es devant Allah, tu dois te tenir droit, bien aligné, ça prendra le temps qu'il faut. La responsabilité ici, le responsable, celui qui est suivi, c'est l'imam. S'il décide de mettre 10 minutes pour faire ta suette au sofouf, tasbar. Mais l'imam doit alléger bien sûr, prendre en considération la situation des gens. Mais il a une responsabilité. L'imam, c'est yus'el amam Allah. L'imam sera interrogé devant Allah. Est-ce qu'il a bien observé les prières? Est-ce qu'il a bien fait les piliers de la prière? Les prosternations, les inclinaisons, les récitations. Et dans un hadith, le prophète Sassam, il dit au sujet de l'imam, « Fa'ida asab, falahu walakum, wa'ida akhta, falakum wa alayhi. » L'imam, lorsqu'il a bon, c'est pour vous et pour lui. Wa'ida arta al-imam, falakum wa ali. C'est pour vous, mais contre lui. Hadi mas'ouliya. Donc lui, l'imam, il doit faire sa mas'ouliya. Wa'akada. Mais on est dans une société, tout le monde est pressé. Les gens, comme on a dit précédemment, ils vont vivre en campagne. Tellement ils veulent fuir le stress. Il n'y a plus de temps. Il faut que la prière se fasse vite, il faut que les rangs se fassent vite, il faut que les adorations se fassent vite. Alors qu'on a été créé pour quoi? Pour adorer notre Seigneur. On continuera demain, donc regardez, il y a des sunan, lorsqu'on dit sunna, ça ne veut pas dire seulement que c'est quelque chose de pas obligatoire. Hadi sunna, anam, shay ajib, shay azim. Sunnat man, an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il y a des actions lorsqu'on dit sunna, qad takun wajiba, wa qad takun mustahabba, wa qad takun yani min al-mu'akkadat ila akhiri. Et demain inchallah ensuite, on étudiera anna min as-sunna ma huwa min al-adab al-amma. Ensuite, Cheikh va nous expliquer, puisque l'auteur va mentionner ensuite usul al-fiqh. Et demain on va expliquer al-murad bi usul al-fiqh. والشيخ دي أصول الفقه وقواعد الاستنباط من الأدلة وبيان الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمباح أما قواعد الاستنباط من الأدلة فالأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة والنهي يكون للتحريم أو للكراهة وفي يوم غدا إن شاء الله سنبين كلام الشيخ هنا في تفصيل هذه المسألة يعني ما معنى وما مراد بأصول الفقه أصول الفقه والشيخ سيفصل هذه المسألة وبالله التوفيق وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.